Aller se dit gehen. Encore une fois, gehen. Gehen. Gehen. Gehen. Donc, nous allons, c'est wir gehen. Wir gehen. C'est bien cela. Et vous allez, vous, vous que je vous vois, allez. Sie gehen. Sie gehen. Mm-hmm. Et où allez-vous? Ici, où a le sens de vers où? Il indique un mouvement, une direction. Donc, où allez-vous? Se dit. Wohin? Wohin? Oui. Allez-vous? Gehen Sie? Bien. Wohin gehen Sie? C'est ça, quand on pose une question, c'est comme en français. Il suffit d'inverser l'ordre. Wohin gehen Sie? Demander se dit fragen. Fragen. F-R-A-G-E-N. Fragen. Die Frage, ça veut dire la question. La question, die Frage. Mais une question se dit eine Frage. Eine, c'est une. Ça s'écrit E-I-N-E. Donc, j'ai une question se dira ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Oui. Et comment direz-vous? Pourquoi demandez-vous? Warum? Warum fragen Sie? Bien. Warum fragen Sie? Comment dit-on je veux savoir? Ich will, c'est ça, savoir. Ich will wissen. Non, ce n'est pas wissen, mais wissen. Wissen, W-I-2-S-E-N, wissen, c'est savoir. Ich weiß, je sais, er weiß, il sait, mais wissen, pour savoir. Donc, encore une fois, je veux savoir se dit ich will wissen. Ich will wissen. Et je voudrais savoir où c'est. Je voudrais se dit ich möchte. Encore une fois, ich möchte savoir. Ich möchte wissen. Ich möchte wissen, où c'est? Wo es ist. Bien. Ich möchte wissen, wo es ist. Alors, comme on l'a vu plus tôt, si là-bas est accompagné d'un verbe de mouvement, il faut employer dorthin et non dort. Par exemple, si vous voulez dire je veux aller là-bas, ça donnera ich will dort gehen. Pas dort, mais dorthin gehen. Ich will dorthin gehen. Là-bas, sans l'idée de mouvement, se dit juste dort. Dort, comme dans c'est là-bas. Es ist dort. Mais pour dire aller là-bas, il faut utiliser dorthin. Dorthin gehen. Car il y a l'idée d'un mouvement, d'une direction. Et comment diriez-vous « j'aimerais aller là-bas »? Ich möchte. Essayez. Ich möchte. Möchte. Ich möchte dorthin gehen. Möchte, c'est le même son que dans ich ou mich. Voyons, comment dites-vous « je » ? Ich. Encore une fois. Ich. Ich. Et pour moi, se dit für. Für mich. Für mich. Bien. Ne pas se dit nicht. C'est ça. Nicht. C'est ne pas. À propos, pour dire rien, il suffit d'ajouter un S final à ne pas. Donc rien, ça donne nichts. Nichts. À vous. Nichts. Nichts. Et comment diriez-vous « je n'ai rien » ? En allemand, il suffit de dire « j'ai rien ». avec un seul mot négatif au lieu de la double négation française « ne rien ». Alors, comment dites-vous « j'ai rien »,« je n'ai rien »? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Bien, mais insistez un tout petit peu plus sur habe. Ich habe nichts. Nichts. Encore une fois? Nichts. Nichts. C'est ça,